La troisième édition de la Blues Party aura lieu le samedi 6 juin à l'île d'Abo, en Isère. Cette nuit du blues en plein air propose un plateau international d'exception. Sophie Reed et Mrs. Nikki, USA, Egidio Juke, Ingala, Italie, A Contra Blues, Espagne, avec en guest l'ancien chanteur de Powo, Amen Moussi, France. La Blues Party, le samedi 6 juin à l'île d'Abo. Renseignements sur bluesactu.com. Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. Time to party. Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo pour le Blues Café Live. Très heureux de vous retrouver, nous sommes bien entendu comme à chaque fois en public ici au Millennium, public venu encore nombreux, et sur la scène du Millennium ce soir, une fois n'est pas coutume, nous aurons le plaisir d'accueillir deux groupes. Deux groupes, en fait, pas tout à fait deux groupes, parce que le premier groupe, Save the King, qui était normalement en duo, et ben ça arrive, le collègue est malade. C'est la terrible grippe, peut-être, qui sévit du côté de Clermont-Ferrand. La grippe auvergnate. La grippe auvergnate, la plus terrible. Et par contre, nous avons Jay à la guitare et aux boucles du groupe Save the King. Et le deuxième groupe est lui aussi un groupe à lui tout seul. Oui. Vous avez eu peut-être l'occasion de le voir en première partie de Carlos Santana. Donc c'est quand même la classe. Il a joué à Jazz à Vienne. Il a joué à Jazz à Vienne. Il a joué aussi dans beaucoup d'autres scènes. Olivier Gotti. Voilà, vous le verrez dans un petit instant, Olivier Gotti, parce que tout de suite, sur scène, il est déjà prêt. C'est Jay, Save the King. Like a black sad clown, driving fast on the poor roads, 'cause I'm scared to slow down. Every day I learn the rule to never cross the line, but I won't live like a fool, always be seen the second line. Something inside me, I changed my life. There's something inside me, I changed my life. I said my home came free, I said my home came free, I said my home came free, I said my home came free. Every day I watch the news and I say, what a shame. Bro and sister, skip the use, and the world is a burning flame. Every day I learn the rule to never cross the line, but I won't live like a fool, always the same, the second line. Something inside me, I changed my life. There's something inside me, I changed my life. I said my home came free, I said my home came free, I said my home. Thank you. Merci. Ce soir sur la scène du Blues Café, Save the King. Save the King est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. On va lui demander de nous rejoindre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce groupe, un jeune groupe d'ailleurs, qui est né fin 2013, un groupe de Clermont-Ferrand. Ouais. C'est un groupe de la région maintenant, puisque voilà, c'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Pas trop vite. Et cette fusion régionale, on la retrouve aussi dans cette musique d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est nourrie de pas mal d'influences. Alors là, c'est vrai que tu es seul, on le rappelle, normalement c'est un duo. C'est un petit peu plus rock'n'roll d'habitude, mais bon. Mais tu compenses avec des petits systèmes, des bidouillages. Oui. D'ailleurs, j'ai lu une petite critique où on vous traite aussi de bricolo de la musique, parce que vous aimez bien bidouiller un peu tout ça. Pour revenir aux influences, je crois qu'il y a pas mal d'influences hein, quand même. Oui, il y a pas mal d'influences. Moi, j'ai un parcours musical atypique. J'ai commencé la musique en autodidacte à la guitare. J'ai appris en autodidacte à une vingtaine d'années. J'ai commencé un peu comme tous les garçons de mon âge, je suis né de 80, j'ai commencé par les rocks que j'écoutais à l'époque dans les années 2000 et puis après je suis allé 80, 70, 60, 50, 40, 30 et puis jusqu'au bluesman puisque bon, c'est la musique noire américaine est quand même profondément inscrite en moi et c'est quelque chose qui me parle. Donc j'ai voulu apprendre le finger picking, le delta blues, voilà cette façon de jouer là. Et en fait, voilà, mon jeu, c'est un peu une influence de tout ça. Il y a un peu de tout. Moi, j'aime bien varier les plaisirs. J'aime bien avoir un set avec différents titres, avec des ambiances différentes et avec des chansons qui ont quand même un texte qui veut passer un message quand même, même si c'est pas, je ne suis pas un littéraire, je ne m'appelle pas Shakespeare, heureusement. Donc voilà, il y a un message. Donc j'adapte la musique par rapport au message. Et le compère avec qui je joue, si je peux me permettre, actuellement, lui, c'est plus, il vient du jazz, il vient de la pop. Donc il amène un côté très pop aussi et rock'n'roll, donc voilà, c'est un mariage assez intéressant. C'est important pour toi de moderniser, on va dire, le blues, de dépoussiérer aussi cette musique, c'est-à-dire que tu l'as dit, tu as fait le cheminement inverse, tu es allé jusqu'aux racines. En même temps, c'est pas cette musique-là que tu joues réellement aujourd'hui. Non. C'est parce que tu te sens pas cette culture-là. Tu voulais aussi montrer que toi, tu es né dans les années voilà. Oui, voilà. Je pense qu'il faut bercé par la musique des années 90. Il faut pas, mais chacun fait la musique qui le ressent. Moi, j'aime les sons. Alors peut-être ça s'entend moins bien là, mais assez fin, assez précis, même si c'est rock'n'roll, avoir quand même de l'attaque. J'aime que, voilà, de créer des ambiances en utilisant les matériaux d'aujourd'hui, voilà, pour pas forcément, c'est pas une recherche de forcément renouveler la musique, mais en tout cas, moi, celle que j'ai envie de jouer, celle que j'entends, voilà, il y a plusieurs influences. Moi, j'aurais derrière moi, j'aurais des choristes, il y aurait des cuivres, il y aurait plein de choses. Bon, maintenant, on démarre, donc il faut se laisser le temps. En même temps, en écoutant ton disque, puisqu'il y a un disque qui est sorti. Qui est en vente. Set Your Hound King Free. Voilà. On sent quand même une atmosphère minimaliste au niveau de la musique. On a l'impression que que vous avez envie d'épurer un peu les styles et pour peut-être faire surgir principalement l'émotion. Alors, au départ, moi, c'est plus la voix. Moi, je suis très, très sensible aux voix, plus qu'à la guitare. D'ailleurs, et j'ai bossé ma voix comme ça. J'ai fait du chœur classique, jazz, du lyrique aussi, de la chanson. Enfin, j'ai fait plein de trucs vocalement. Pour la manière d'épurer les choses, c'est que pour moi, la musique se résume à une voix ou des voix et une rythmique. Donc, il faut un peu d'harmonie quand même. Donc, je fais quelque chose de très minimal à la guitare. Mais après, c'est vrai que sur l'EP, ce qu'il y a de sympa, c'est que voilà, on a des voix qui sont sincères parce qu'il n'y a pas d'esbrouf. Là-dessus, on est vraiment direct, quoi. On a refait l'enregistrement très très rapidement, en 4 jours. Et voilà, on a essayé effectivement d'être au plus près de l'émotion, quoi. Alors au niveau des paroles, on va en parler aussi, parce que sur la bio, là, il y a marqué que depuis 2013, vous nous livrez votre vision du monde. Alors quand on lit les paroles, il y a des choses qui me paraissent un peu contradictoires. Vous parlez de Sexy Girl, et juste après, il y a Child Jesus. Vous avez un titre qui s'appelle Pornographie, et l'autre qui s'appelle Big Balls Boogie. Je ne sais pas tellement de quoi vous parlez là-dedans, mais un titre qui s'appelle Obsession Blues. De quoi vous parlez, Cold Love? Enfin, il y en a un qui relève quand même, hein, Child Jesus. Oui, Child Jesus, c'est pour ça, juste après Pornographie. Ça fait causer. Hein. Non, mais je pense, moi quand je regarde. Alors pareil, c'est venu comme ça. Je veux dire, c'est comme l'écrivain devant la feuille blanche, tu composes, tu sais pas bien où tu vas. Donc t'écris des choses, tu composes des choses, et puis après ça donne un tout. Le tout me semble cohérent dans le sens où chaque titre a son ambiance et son émotion. Après, je pense qu'on est dans un monde assez. Enfin, le monde dans lequel on vit actuellement en 2015 est assez schizophrénique, quelque part. Donc, on peut très bien allumer la. Bon, alors moi, j'ai pas la télé, je suis désolé, malheureusement. J'ai arrêté de me droguer. Mais je pense que tu peux très bien allumer la télé ou regarder des vidéos sur le net et avoir une vidéo où on va te prêcher la bonne parole catholique ou islamique. Ou, cathodique. Voilà, ou cathodique, voilà, ou religieuse en tout cas. Et puis juste derrière, avoir un truc complètement pornographique derrière. Enfin, le monde dans lequel on vit, les jeunes, même bon, les plus anciens aussi, on est balancé d'informations comme ça, hyper contradictoires et violentes. Moi, il y a des choses qui me font halluciner, quoi. Et donc voilà, je pense que ce qu'on écrit, c'est aussi ce qu'on vit aussi tous les jours, notre manière d'appréhender le. Francis, on va faire une petite pause musicale pour parler d'un événement qui nous tient à cœur, qui est la Blues Party qui aura lieu ici le 6 juin dans les jardins du Millennium. Et on va écouter l'une des têtes d'affiche qui sera présente, même s'il n'y a pas vraiment de tête d'affiche. Miss Nikki and the Memphis Soul Collection, une reine des Duke Joint de Memphis. Oui, elle habite Memphis, mais comme tout le monde le sait, Memphis, c'est pas très loin du Mississippi. Elle est d'origine du Mississippi. J'ai eu l'occasion de la voir lors de sa seule date, pratiquement, en France, cet été dans un festival. Ouh, ça secoue, hein. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir mettre des marches pour qu'elle descende de la scène, parce qu'elle descend, elle vient danser avec les gens, elle les touche, elle les embarque dans des trucs incroyables. Voilà, c'est une blague du Mississippi. Elle s'appelle Miss Nikki. Miss Nikki, avec ce titre qui s'appelle Uphill Journey. Everything was going fine. I even paid a couple bills right on time. But then the club closed down. I said, what the heck? I didn't even get my last paycheck. I'm on an uphill journey. Feel like I'm going down, y'all. Oh, I'm climbing this ladder, but my feet won't leave the ground. Nikki and the Memphis Soul Connection à l'instant dans le Blues Café. Donc on vous rappelle ce rendez-vous du 6 juin à la Blues Party ici au Millennium. Et nous sommes ce soir toujours avec Jay du groupe Save the King. Jay, il y a un album, c'est le premier album. Tout à fait, autoproduit. Cet album alors, qui est fait donc, là, c'est avec ton alter ego qui s'appelle Pierre. Tout à fait. Ton musicien. Du coup, comme il n'est pas venu ce soir, lui aussi il a d'autres problèmes. Hein. Il a fallu aussi que tu puisses t'adapter, oui, au niveau matériel. Donc, tu as mis un petit système, je crois, au pied. Oui. Enfin, c'est à la main, c'est un iPad. À la main, en fait. Voilà, d'accord. Pour mettre une petite rythmique feutrée, voilà, c'est vrai que c'est tout nouveau. Enfin, ça y est. Ça doit changer quand même. Ah oui, c'est pas la finesse d'un musicien, ça, c'est certain. Ouais, puis surtout, si c'est une batterie derrière, il y a un support qui manque. Non, oui, il y a un support. Bah, notre musique est basée sur la rythmique. C'est pour ça que bon, c'est aussi intéressant, même qu'en acoustique, ça peut être bien aussi. Alors en même temps, le challenge, tu l'as relevé parce que tu me disais, lorsque tu as excusé ton compère, que Save the King, c'était souvent en duo, mais c'était aussi parfois un solo. Ça peut être en solo, ça peut être... Là, c'est un projet qui démarre, donc c'est vrai qu'au départ, on était... Enfin, moi, en fait, j'avais un autre duo avant. C'est l'élite pour tout vous dire. Voilà, je vous mets en confidence. Il y avait un autre duo qui était... Allonge-toi dans le... Tu nous regardes droit dans les yeux. Alors, je vous regarde dans les yeux. Docteur. En fait, j'avais un duo parce que bon, je bossais comme tout le monde, d'ailleurs. Et la musique est ma passion. Donc, j'ai un duo un peu potage qui s'appelait J Big Balls King. Donc, du coup, le Big Balls, le retour du... D'accord. Hein, et Lucky Stallion, puisqu'à l'époque, mon compère s'appelait Luc. Et du coup, c'était une formule qui fonctionnait très bien. Dans des institutions blues comme le Café de Paris à Montmondor, des choses comme, pour ceux qui connaissent un peu le 106 No Festival. Voilà, donc, et autres, donc ça marchait bien, et du coup j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu plus personnalisé, donc faire de la compo, et puis voilà, j'ai rencontré Pierre, et c'était un projet qui l'intéressait. Un duo quand même qui commence, qui est jeune, hein, on l'a dit, qui a exactement un an et quelques, déjà qui se fait connaître, parce que je vois qu'il y a des chroniques dans Rock'n'Folk, dans Soulbag, et dans j'ai rien payé. Ah ça, je sais pas, payé ou couché, j'en sais rien, mais Rock'n'Folk. J'ai ma femme là, alors je pense que ce serait compliqué maintenant. C'est un bon départ quand même. Oui, oui, bah, nous on est super contents. Et vous passez dans le Blues Café. Et en plus, on est passé dans le Blues Café. Énorme. Non, mais moi j'étais, si je peux me permettre, sur le cul, quoi, c'est clair. Alors, Cédric et moi, on t'a proposé un autre challenge qui est celui de croiser le fer avec un autre musicien qu'on va avoir le plaisir d'accueillir sur la scène du Blues Café. Il s'agit d'Olivier Gotti qui commence à sacrément se faire connaître, qui joue aussi sur une guitare très particulière. On a l'occasion d'en parler avec lui. Ce challenge, tu l'as relevé tout de suite. Hein, tu m'as dit... Bah avec plaisir. On y va, on fonce. Tu le connaissais ? Non, je ne le connaissais pas. J'avais été voir, bien sûr, comme je savais qu'on allait se croiser, quelques vidéos sur YouTube, parce qu'il est pas mal actif. Il tourne beaucoup. Donc, ouais, c'est un vrai plaisir de partager ces instants avec lui et puis proposer quelque chose. Alors bon, c'est du 100% live, là. Hein, donc, ça va être très bien. C'est ça, vous avez répété tout à l'heure quelques minutes avant de commencer cette émission. Donc on va appeler Olivier Gotti sur la scène du Blues Café. Monsieur Olivier Gotti. And I say I took over down the bone. Whoa, when I got there, she was already laying on the cooling board. Oh, Lord, have mercy on my wicked soul. And I did the wrong me sweet before all my waiting gone. I said, Lord, have mercy on my wicked. And I did the one with sweet baby for the world. and the blues came along and I drove my speed with all the world. I came into my room and I put down in the bridge. Yeah, and the blues came along and I drove my spirit away. Morning, and I say, how do you wicked it well? Oh, I've got the leather this morning, and I say, how do you reckon it well? Oh, I'll be with the girl, cause my baby, your love is there. À l'instant dans le Blues Café, monsieur Olivier Gauthier, qui a plusieurs cordes à son arc, ou à sa guitare, en tout cas il en a une de moins ce soir. Mesdames et messieurs, Olivier Gauthier sur la scène du Blues Café, live. Merci beaucoup. Merci. Sur la scène du Blues Café, Olivier Gauthier. Et il va rejoindre notre ami Jay. On va discuter un petit peu de cette belle carrière, courte carrière, mais belle carrière. Bonjour Olivier, bonsoir. Bonsoir à tous. Olivier, tu c'est incroyable finalement ton histoire. Quelle aventure, hein. En l'espace, on essayait tout à l'heure de se remémorer la première fois, parce qu'on s'est vu, tu t'es à peine connu. Votre première fois, c'est beau. Ouais, c'est une histoire d'amour entre Olivier Gauthier et nous. Ouais. Tu jouais dans la rue, c'était à Cahors, personne ne te connaissait. Ouais, tout à fait. Tu t'es assis au milieu d'un boulevard, tu as sorti ta guitare, et au bout de 10 minutes, il y a eu 300 personnes autour de toi. C'était absolument monstrueux et fabuleux. Et depuis, tu fais maintenant des grandes scènes comme Jazz à Vienne, sur la grande scène, tout seul, hein, face au mur de public, et bien d'autres encore, des festivals. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est un rêve éveillé ou quoi ? Ça a été un petit peu ça, en fait. Moi, de formation et de métier, j'étais plus dans la restauration. C'est pas inintéressant non plus. Non, mais il y a un rapport à la cuisine, la musique. Attends, on pourra trouver des choses à dire. Mais en tout cas, bon, voilà, avec la musique qui m'a toujours bercé. Et puis j'ai eu un jour envie de tenter ma chance, de ne pas laisser l'opportunité passer de pouvoir connaître ce fabuleux métier, de pouvoir jouer devant des gens, de pouvoir partager ce qu'on essayait de dire, en tout cas en musique. Et donc voilà, j'ai commencé par la rue. Et c'est là qu'en 2011, en fait, parce que j'avais eu l'idée tout simplement, plutôt que de continuer à jouer dans les rues de ma ville, j'avais décidé d'aller jouer devant les festivals. Et donc j'avais répertorié les festivals de blues sur un morceau de papier. Et puis j'avais pris mon camion et puis j'étais parti au devant des festivals pour jouer. C'est comme ça que j'étais tombé sur toi à l'époque. J'ai une passion, c'est la musique, on l'a dit. Une autre, c'est la cuisine. Tu en as une troisième, c'est justement les voyages. Tu as un côté globetrotter. J'ai vu que ton premier concert, tu l'avais fait à Nouméa. Ouais, j'ai fait un Nouvelle-Calédonie. Premier concert, première expérience musicale, première personne qui m'a fait confiance pour me faire venir jouer dans son bar tous les vendredis. Il a eu du courage, mais bon, voilà, je le remercie d'ailleurs. Il s'appelait Olivier comme moi. Tu faisais la cuisine et après t'allais jouer, non ? Non, j'avais arrêté la restauration à cette époque-là, justement pour pouvoir me consacrer un petit peu plus à la musique. Et voilà, j'ai eu la chance que cette personne me fasse confiance pour venir animer. Tu as voyagé beaucoup. Est-ce que, donc on l'a dit, hein, de l'Angleterre à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça t'a forgé aussi une personnalité musicale ? Est-ce que quand tu es allé dans un pays, tu es allé à la rencontre aussi d'une culture musicale ? Est-ce que tu t'en es imprégné, par exemple ? Mais forcément, en tant que musicien, alors j'étais pas musicien professionnel à l'époque, mais j'avais vraiment cet amour de la musique et ce regard vers la musique. Et donc forcément, à partir du moment où on change de culture et on va dans d'autres pays, on va vouloir forcément s'intéresser naturellement aux différentes musiques qu'il y a, aux différents instruments, à l'origine, pourquoi utiliser tel instrument, pourquoi tel chant. Et donc on va notamment se rendre compte qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi des chants de gospel finalement. Voilà, les tribus se rejoignent et pour certains soirs de fête font des chants qui sont magnifiques, des fois que les hommes, des fois que les femmes, et des choses qui sont très poignantes et dans lesquelles on va retrouver un petit peu cette couleur et ce côté profond que nous apporte le blues et toute cette musique noire américaine qui, moi, a bercé mon enfance. Et voilà, on va le retrouver dans plein d'autres pays, plein d'autres civilisations. Ouais. Et avec ces voyages, tu t'es forgé un répertoire qui est quand même puisé dans le blues roots, peut-être même celui du Delta, hein, le plus rural qui soit. Ouais, exactement. Ouais. Le plus rude et surtout le plus simple. Le plus simple parce que c'est celui qui va permettre après à la personne qui le pratique de pouvoir mettre ses émotions. En fait, moi, c'est ce qui me plaît dans cette musique, c'est passer la suite d'accords qui est la même pour tous. Après, c'est à chacun d'y mettre ce qu'il a envie de dire. Et c'est là que ça prend toute son importance et toute son ampleur pour moi, en fait. Et c'est ce qui m'a marqué. Moi, c'est la musique que j'ai écoutée jeune. Comment tu expliques ce démarrage de carrière comme assez fulgurant ? 2010, tu enregistres ton premier EP. 2011, tu es déjà finaliste et vainqueur de nombreux prix. On peut notamment citer le prix Le Tremplin Blues sur scène. 2012, tu fais une tournée dans quasiment tous les plus grands festivals. 2013, tu représentes la France à l'International Blues Challenge de Memphis. Ouais, et tu arrives en demi-finale. Ouais. Et en revenant en France, tu es en première partie de Carlos Santana. C'est incroyable, quand même. Non, mais sérieux. Je rajouterai. Quel est ton secret ? Tu as vendu ton âme au diable au croisement d'un carrefour, non ? Certainement, sans le vouloir. Non, mais écoute, c'est vraiment uniquement la passion de la musique. C'est la manière dont on fait la musique qui peut-être. Après, moi, j'ai souvent été étonné des retours. Mais ouais, j'ai eu toujours un super retour après mes prestations et quand des personnes m'ont vu et voilà, et qui rapidement ont voulu me faire confiance et ont vu peut-être voilà, certaines choses. Mais ça a été aussi un étonnement pour moi, autant que pour toi, en découvrant. Est-ce que c'est parce que du coup, on a Jay de Save the King à côté et finalement, vous partagez ce point commun tous les deux, c'est de vous être approprié le blues, mais de pas forcément le jouer comme le jouaient les pionniers. Vous en avez fait quelque chose de plus moderne. On citait des artistes des années 90 avec Jay. Avec toi, on est obligé de citer Ben Harper, par exemple, puisqu'en plus, vous partagez le même instrument, le lap style. Ouais. Est-ce que du coup, ça vous permet à tous les deux, d'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, d'élargir le public, de toucher un public aussi un peu plus jeune, qui n'est pas forcément touché par le blues, mais qui va trouver des repères dans votre musique? Certainement. Alors, en tout cas, pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi personnellement, c'est pas le but. En fait, c'est le blues et la musique qui me plaît le plus, justement, parce que moi j'aime transmettre des émotions quand je suis sur scène, et je trouve que c'est le style musical qui le fait le plus, qui permet de le faire le plus quand on a envie de le faire. Après, le fait de vouloir s'en éloigner, c'est tout simplement pour trouver son propre chemin. Parce que c'est un chemin qui était... il n'y a aucun intérêt pour moi à refaire du note à note par rapport à Robert Johnson, qui est une figure emblématique et que j'imagine tout le monde connaît dans le blues. Mais aucun intérêt de faire pareil que Robert Johnson. C'est un autre temps, c'est un autre lieu, il y a d'autres instruments, il y a d'autres choses qui peuvent être faites maintenant. Et donc, pourquoi pas s'en servir pour, par contre, essayer de reproduire cette émotion et aussi essayer de la faire sienne. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'après... Non, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Olivier. On se rappelle les années 60 en Angleterre avec le blues boom. Je pense qu'en France, on a eu peu l'occasion de pouvoir montrer ce que les Français savaient faire dans cette musique-là, qui est en fait ce qui nous plaît, je pense à Olivier, ce qui rassemble les bluesmen, et vous en avez vu passer ici, c'est la sincérité qu'il y a dans cette musique. Donc effectivement, quand on a une voix, une guitare, on est obligé d'être sincère avec ses émotions et de ce qu'on a envie de dire. Sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Et je pense que la base, c'est ça. Comme disait Willie Dixon, le blues, c'est la racine, tout le reste, c'est le fruit, quoi. Tu vois. Donc c'est ça. Ouais. Et après, on l'interprète de manière différente et c'est super. Chacun y trouve c'est une pluralité. On se doit d'habiter cette musique qui est à tout le monde, finalement. C'est vrai que ça vient des Noirs américains, des esclaves aux États-Unis. On n'est ni Noirs ni Américains, nous. Mais finalement, ni nés en 1910. Oui, c'est ça. Mais finalement, on s'aperçoit, notamment moi, pendant les International Blues Challenge que j'ai fait à Memphis, j'ai remarqué que voilà, y a des gens du monde entier qui jouent du blues de la même manière et qui utilisent cette même émotion, leur peine et leur souffrance, et qui la mettent dans la musique. Et ça marche de la même manière, en fait. Cette universalité de la musique qui est intéressante. Et je pense qu'on se doit, par respect pour cette musique, de l'habiter comme les bluesmen de l'époque l'ont fait avec leur histoire. On doit le faire avec la nôtre. Voilà, pour continuer à faire vivre le blues, mais de manière différente, il doit évoluer. Jay et Olivier, vous allez dans quelques instants rejoindre la scène du Blues Café. Avant, deux mots sur vos projets chacun. Olivier, ton nouvel album sort à l'automne 2015. Ouais. Il va s'appeler Little Boy Child. Exactement. Ouais. On l'a écouté déjà, parce que même s'il sort en octobre, évidemment. Vous avez eu la primeur. On a eu la primeur, ouais. Ouais. Juste un mot d'ailleurs à propos de cet album, parce qu'on est habitué à te voir jouer seul. Alors sur cet album, tu n'es pas toujours tout seul. Non, j'ai voulu profiter de cette première expérience en studio justement pour me servir du studio, donc avoir l'opportunité de faire des chœurs sur ses propres chansons, de pouvoir faire un solo de guitare un petit peu plus long et en ayant l'accompagnement en même temps, et pouvoir aussi avoir le plaisir de jouer en groupe, donc avec un basse-batterie que j'ai fait venir sur 2-3 chansons. C'était l'occasion de... Je voulais me servir du studio en tant que studio et pas refaire exactement ce que je fais sur scène. Et pour l'anecdote, je crois que cet album sera signé sur un label de légende. Oui, on peut le dire, puisque c'est le label Black & Blue, qui est un label de référence. Ça a été un des premiers en Europe à enregistrer des personnes comme Lionel Hampton, Muddy Waters, Johnny Hooker et d'autres. Ils ont une liste incroyable d'Américains qu'ils ont fait venir, tourner en Europe et qu'ils ont enregistré également. Donc ouais, c'est un grand honneur, un grand plaisir de pouvoir faire partie de cette famille. Côté Save the King, les projets maintenant après l'EP, c'est le LP. Oui, ça sera certainement le encore un EP, mais trois titres, mais on va dire peut-être plus posée, plus mieux enregistrée, avec un peu plus de temps, avec un peu plus de maturité, parce que là, on est en pleine phase où justement l'EP nous a ouvert des portes de festivals. De salles de concert, etc. Donc, on est en train de roder tout ça, parce que on a presque mis la charrue avant les bœufs. Donc, voilà, on les rode, et puis dès qu'on sera prêt, on enregistrera certainement 3 titres. Save the King et Olivier Gauthier, ensemble, c'est maintenant sur la scène du Blues Café, le temps d'écouter Egidio Ingala, qui sera à la Blues Party le 6 juin. Installez-vous, messieurs, et juste après, on vous retrouve en live. La 3e édition de la Blues Party aura lieu le samedi 6 juin à l'île d'Abo, en Isère. Cette nuit du blues en plein air propose un plateau international d'exception. Sophie Reed et Mrs. Nikki, USA, Egidio Juke Ingala, Italie, A Contra Blues, Espagne, avec en guest l'ancien chanteur de Powo, Amen Moussi, France. La Blues Party, le samedi 6 juin à l'île d'Abo, renseignements sur bluesactu.com. Vous savez, on aime les duos dans le Blues Café, donc dans la liste déjà nombreuse des duos du Blues Café, que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre chaîne YouTube. Il y aura un nouveau duo, Jay de Save the King avec Olivier Gauthier. C'est tout de suite sur la scène du Blues Café. Looking at the bee, you can't chant honey. Looking at the bee, you can't chant one. Looking at the other, you can't chant a boo by looking at your cover. Can't you see? You midget me. Look like a father. Lover, you can't get the book looking at the cover. Looking at the fish, looking at the pound, You can't just ride looking at the wrong. You can't just warm looking at your ear. You can't just boom by looking out of cover. Can't you see? I'm a lover. Can't you book? Looking at the cover. Job in the city, worrying about the thing, man, how'd I been? But you have the money on keep on the ride, keep on the river, happy to give, keep on driving. Brown Mary, keep on burning, rolling, rolling. Rolling on the river, clean out the plates in Memphis, bumble out the pain down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hit the ride on the riverboat queen. Thank you. I said rolling on the river, then rolling, rolling, rolling, as rolling on the river. Merci, merci à tous. À l'instant, c'était Jay de Save the King et Olivier Gotti. Merci à vous, messieurs. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com. Merci à toute l'équipe du Millennium, et on va laisser la scène à Save the King qui va terminer en musique. On se retrouve le mois prochain dans le Blues Café live. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. On va interpréter une dernière composition qui s'appelle Chad Jesus. Child will born as your love wears her and overflows. Oh, mama, open your heart to receive this precious gift of love. The word is rough, though they are not so cruel. No, the world is yours. Soon, a little prophet will rise, and you pray for his soul. Oh, daddy, declare your war and show him the way to go. Oh, the word is rough, though the amounts cruel. Now the word is young. Now the word is young. Thank you.